Les pros du boulot sur Fadjet. Bonjour à toutes et à tous, les pros du boulot sont de retour sur Radio Fadjet. Nous recevons aujourd'hui Saber Bouzaza, directeur de l'entreprise Solis Security, pour parler des métiers de demain. Selon une étude publiée par Dell et l'Institut pour le Futur, 85% des emplois de 2030 n'existent pas encore. En effet, l'intelligence artificielle ou la robotique vont non seulement transformer en profondeur les métiers existants, mais en créer de nouveaux. Parlons encore d'autres chiffres. Alors, il y a un baromètre qui vient de sortir au début de l'année 2021 de Centre Info. Dans ce baromètre, 42% de salariés considèrent que leur métier évolue très vite. Et 55% ont le sentiment d'être mal informés sur la formation professionnelle. Donc, après l'entretien avec M. Bouzaza, nous allons parler sur des différentes manières pour s'informer sur ces métiers de demain, pour mieux gérer sa carrière, mieux prendre des décisions, en s'appuyant aussi éventuellement sur le conseil en évolution professionnelle. Mais passons maintenant à l'entretien avec M. Bouzaza. Alors, Saber Bouzaza, bonjour. Vous travaillez donc chez Solis Security. Tout d'abord, pouvez-vous nous présenter rapidement votre entreprise, s'il vous plaît? Alors bonjour, je suis Saber Bouzaza de la société Solis Security. On est le spécialiste du contrôle d'accès intelligent, qu'il soit biométrique ou facial. Alors, il y a deux domaines. On a une division qui gère la cybersécurité, mais on a surtout le domaine numéro un, qui est le contrôle d'accès, si vous voulez, intelligent, qui vous permet d'être identifié, d'être sûr qu'à 100% que vous êtes la bonne personne. Le contrôle d'accès facial, vous le voyez un peu plus aujourd'hui par rapport à la Covid, ou l'empreinte digitale, aujourd'hui, votre signature naturelle devient votre clé. Pourriez-vous nous parler un peu de vous et de votre parcours? Comment vous avez atterri dans ce domaine? Qu'est-ce qui vous a attiré? Alors, pour ma part, j'ai un cursus un peu... différent. Je suis autodidacte. J'ai fait des études de tourneur fraiseur. Donc j'ai fait un CAP, BEP, bac pro. Mais comme j'ai toujours souhaité être dans le monde du commerce et de la haute technologie, je suis rentré dans le monde du photocopieur pendant un peu plus de 6 années. Et sorti du copieur, on est venu me chercher pour entrer dans le monde de la sécurité intelligente, que ça soit via le backup. Donc la délocalisation des données informatiques et puis quelques années plus tard dans la reconnaissance de l'empreinte digitale pour être sûr à 100% de l'identité des personnes qui rentrent et qui sortent d'une entreprise. Ce qui m'a attiré dans ce domaine, ce sont vraiment les technos, un peu comme ce que vous pouvez voir dans les téléphonies aujourd'hui, c'est qu'il y a une évolution tous les 6 mois. Donc la techno, puis la traçabilité aujourd'hui d'être sûr à 100% de l'identité des personnes qui rentrent et qui sortent d'une entreprise. Et puis avec la Covid, être sûr qu'on ait des technologies sans contact pour ouvrir une porte et sortir avec ce qu'on appelle un bouton poussoir sans contact, c'est-à-dire au mouvement de la main. Les technologies m'attirent. C'est surtout ça que j'aime faire au quotidien. Et justement, nous parlons aujourd'hui des métiers de demain. Qu'est-ce que ce terme représente pour vous? Les métiers de demain, il faut les prendre avec le sourire et puis ne pas être inquiet. C'est simplement de se dire qu'il y a plus d'un siècle, pour envoyer une information à une personne, c'était à dos de cheval. Aujourd'hui, on a l'email, donc on a avancé avec le temps. Et puis pour la partie sécuritaire et ce qui me concerne moi, on ouvrait une porte il y a plus d'un siècle avec une clé. Aujourd'hui, on l'ouvre avec votre visage, avec vos yeux, avec votre main, avec votre doigt ou avec le son de votre voix. Donc, c'est vraiment des métiers qui attirent de plus en plus et on doit évoluer. C'est un peu ce qu'on trouve aussi dans les télécoms avec la DSL, avec le satellite, etc. Quels sont les profils qui sont recherchés dans ce type de métier? On recherche avant tout des gens qui ont une personnalité. On veut des gens qui ont envie d'avancer, qui aiment les technos et qui aiment travailler. Donc, on a une formation interne dans notre entreprise, chez Solis Security. Donc, les gens viennent comme ils sont. Par contre, ce qu'on leur demande un peu plus, c'est aimer les technos et aimer les gens. Donc, si on a ces deux éléments, ça peut faire une belle réussite. Pour la partie commerciale, il n'y a rien de spécifique à avoir, si ce n'est l'assurance de soi et l'envie de faire. Après, vous avez des postes type technicien, il faut maîtriser ce qu'on appelle le courant faible. Et suite à cette partie, si vous me le permettez, on va former la personne à s'adapter et à maîtriser la technologie du contrôle d'accès. On ne lui demande pas d'être la personne qui va construire une technologie, mais simplement de l'installer et de la mettre en route. Donc tout ça, il y a des ingénieurs qui l'ont fait en avant, il y a un service R&D qui gère cette partie, et nous, nos techniciens que l'on recherche, c'est des installateurs qui aiment aussi les technos et qui aiment les challenges. Du coup, pour vous, quels sont les critères de recrutement? Quel est le candidat idéal? Le candidat, les critères essentiels, c'est déjà qu'il ait envie. L'envie, est la base de tout. S'il a envie, il peut faire beaucoup de choses. Donc, aimer le contact, aimer les gens, la détermination. Il faut vraiment des gens qui ont un moral d'acier, puisqu'il y a plus de portes fermées que de portes ouvertes. Voilà un peu. Donc, vraiment une personne qui a peur de rien, qui a envie d'apprendre. Donc, on a un centre de formation interne qui lui permet d'avoir tout cet ensemble. On reçoit les gens, même s'ils ne correspondent pas au profil à la lecture de leur CV. On les reçoit à 100% puisqu'on a aussi un rôle social de pouvoir orienter, aiguiller une personne, lui donner 2-3 conseils. Ce n'est pas parce qu'elle n'a pas les, entre guillemets, les éléments nécessaires pour intégrer mon entreprise dans laquelle je travaille qu'il n'a pas ces mêmes éléments pour travailler ailleurs. Donc, on va aussi redonner de la confiance à ces gens. Et le rôle d'une entreprise, c'est aussi cela. Ce n'est pas simplement voir que le buffer, le tableau de bord, le chiffre d'affaires, le bénéfice ou l'EBITDA. Il y a encore des fois plus important, il y a l'humain qui doit être autour de tout ça. Comment se passe le recrutement dans ce domaine? Y a-t-il des astuces pour réussir, un processus spécifique? Oui, vous savez, on a un petit questionnaire simplement pour essayer de comprendre quelle est la personne, pour faire une petite découverte. Et puis après, on échange. On va laisser la personne s'exprimer. On va faire un échange, si vous voulez, comme on le fait vous et moi, un instant. Il n'y a pas de process, il n'y a pas de piège, il n'y a pas de questions, de bonnes ou de mauvaises questions. Ce n'est pas un interrogatoire, si vous voulez, c'est un échange avec le candidat pour être sûr tous les deux si on a envie de travailler ensemble. Mais l'objectif, comme je vous l'ai dit en préambule, c'est que si même le candidat ne correspond pas, de lui-même, il va le reconnaître et de lui-même va peut-être avoir des lumières pour se réorienter vers une autre branche. À chacun d'entre nous d'apporter aussi sa culture, ses différences, cet échange, c'est ça la vérité, et d'être soi. C'est-à-dire que si vous venez déjà dans l'entreprise en modifiant ce que vous êtes, ça ne matchera pas. Donc, restez ce que vous êtes au quotidien et ça donnera une réussite. Est-ce qu'il y a aussi des difficultés dans ce domaine des métiers de demain? Oui, c'est vrai qu'il y a de la difficulté. Hein, c'est ce qui fait le challenge. La difficulté, c'est que chaque jour est un nouveau jour. Donc, chaque jour, il faut aller au travail. Tous les jours. Alors, si vous prenez une journée, il y a le matin, l'après-midi, c'est un peu un match de football. Vous avez la première mi-temps et vous avez la deuxième mi-temps. Donc, ça veut dire qu'on est tout le temps sous un stress positif, le fameux challenge. Et pour ma part, moi, c'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime. Je me lève pas le matin pour aller gagner de l'argent. Je me lève vraiment pour me faire plaisir. Et l'argent, c'est l'argent viendra tout seul. C'est pas une objectivité. Que conseillerez-vous aux personnes qui souhaitent se reconvertir ou se lancer vers ces nouveaux métiers? Le message que je peux passer aux différentes personnes qui souhaitent prendre un virage professionnel, c'est de ne rien lâcher, d'oser. D'être mobile géographiquement, ne pas avoir peur de quitter son confort, il faut le faire. Ceux qui ont la chance de se former, et on a cette chance dans notre pays d'avoir des superbes centres de formation, faites-le. Et puis quand on doit se lancer, vous vous lancez. Par contre, une fois que vous arrivez quelque part et qu'on vous a fait confiance, donnez-vous à 200%. Pas 100, pas 99, pas 99 comme disent nos amis belges, mais à 200%. Parce que ce que vous allez faire déjà pour vous. Et si ça matche pour vous, ça matchera pour l'autre. Voilà le conseil que je peux leur donner. Merci Saber pour nous avoir expliqué en détail ces métiers, les aptitudes à occuper ces métiers, et puis de nous montrer que la technologie peut se concilier avec l'humain, et ça c'est quand même très très intéressant. Nous nous retrouvons après une pause musicale, une jeune artiste, Aaron, c'est qu'elle. J'expulse tant de fumée, je dois brûler de l'intérieur. J'exulte tant de colère que j'en perds mon cœur. Me la coule de nuit, je vois passer les heures. Garde en actu trop de peine antérieure. Je pense que pour avancer, faut se brusquer soi. La douce violence résolve des blèmes pro. Apporter du nouveau chez nous-mêmes chaque soir. Maquette à en devenir une pro. Un petit au revoir car demain on se la remet. Donc je me fais du mal et putain ça inquiète la remet. On m'en fait surtout et toujours sans remords. J'en reviens pas du nombre de potins que ça ramène. Donc j'avance droite, j'écoute pas les autres. À l'ancienne je ne voyais que par eux. Et je devance gratte, je déboule sur vos côtes. La nouvelle prend les marches deux par deux. Je me soignerai sans antidote, époque la tête qui tourne. Parfois les peines me ligotent, mais je m'entête et j'y retourne. Je suis pas venue pour être la number one. Mon but c'est de kiffer la vibe. Une âme déchue m'a fait de la douleur sale. C'est coup mon pas HP, je travaille. Je pars en quête de temps s'il vient à manquer. Ce serait mentir de dire que jamais je ne m'inquiète. Les vannes pour les potes, les vagues pour les maquettes. Célibat mort, jamais avec la mort, je ne me maquerai. Je serai heureuse au max un jour, même si les séquelles resteront. Marre d'être menteuse, ça devient lourd. Des fois je me les gèle sans raison. Je veux ressentir de la bonne énergie, ne pas recevoir grand chose des autres, et puis saisir la moindre éclaircie sans avoir besoin d'augmenter ma dose. J'avais perdu mon appétit de victoire. Vas-y, resserre, tu m'as pas vu, mais tu retrouves le vrai moi. Pour le dessert, j'étais trop matrixée, trop attristée. Au final, je suis restée. J'étalerai mon sourire à la vue de tous. Pour ceux qui m'ont fait souffrir, il me reste du souffle pour faire tourner cette putain de roue. Pendant trop longtemps, le vent n'était pas assez fort. J'ai enfin mis ma peine sous verrou. Et dans quelques temps, je te jure qu'ils verront mes efforts. Qu'ils verront mes efforts. Je serai heureuse au max un jour, même si les séquelles resteront. Marre d'être menteuse, ça devient lourd. Des fois je me les gèle sans raison. Je veux ressentir de la bonne énergie, ne pas recevoir grand chose des autres, et puis saisir la moindre éclaircie sans avoir besoin d'augmenter ma dose. Vous écoutez Les Pros du Boulot sur Radio Fadjet avec Zora et Thomas. Nous parlons des métiers de demain. Le gouvernement a présenté le plan de relance. Un des objectifs est d'investir dans les compétences pour aider les salariés à se reconvertir vers les métiers porteurs, orienter les personnes vers les formations d'avenir. Mais tout d'abord, on entend différents types de métiers. Les métiers porteurs, les métiers en tension, les métiers en émergents et les métiers en mutation. Quelle est la différence entre ces quatre typologies ? Arrêtons-nous un petit peu sur ces petites définitions. Les métiers porteurs sont les métiers pour lesquels les besoins en recrutement dépassent les demandes. Donc, ça peut être des métiers un petit peu difficiles dans les conditions de travail ou dans les horaires. Voilà, donc il n'y a pas trop de demandes sur ces métiers. Les métiers en tension sont des métiers où il existe une forte demande de recrutement que les employeurs peinent à satisfaire. Les métiers émergents sont les métiers qui prennent de l'ampleur et qui offrent des opportunités d'emploi. On a pu en voir un, par exemple, sur les métiers de technologie avec Saber Vuzaza. Et les métiers en mutation, ce sont les métiers qui subissent des modifications au niveau de leur activité. Par exemple, les métiers des travaux publics sont vraiment en mutation, puisque maintenant on utilise beaucoup de machines pour aider les personnes qui travaillent sur ces chantiers. Donc, des exemples de métiers en tension, ce sont par exemple les métiers de la santé, aide-soignant, infirmier, les métiers du service à la personne, les métiers agents de sécurité, de surveillance, les métiers de la construction, on en a parlé, du bâtiment et des travaux publics, les métiers du transport routier, les métiers de bouche, même si actuellement ils sont frappés par la crise, les métiers de la logistique, ça peut être le magasinage, ça peut être le transport, et les métiers dans l'industrie. Donc en fait, il y a quelques métiers, on a vu des métiers très spécifiques avec Saber tout à l'heure, mais on peut avoir des métiers du quotidien qui sont des métiers en forte demande de recrutement. Mais concrètement, comment faire pour être prêt pour ces métiers de demain ? Alors nous vous proposons quelques pistes de réflexion et quelques activités. Alors première chose, être ouvert, prendre le temps d'apprendre. Par exemple, on sait que les métiers à forte compétence technique et scientifique vont être de plus en plus recherchés. Mais c'est pas forcément ou pas uniquement dans le domaine de l'industrie, ça peut être aussi dans plein d'autres domaines. Donc ce qui peut être intéressant, c'est de réfléchir comment on peut acquérir des compétences numériques. Coder, bien maîtriser les logiciels du bureautique, peut-être savoir créer un blog, animer une communauté, monter des vidéos en ligne. Tout cela pourra s'avérer bien utile, que ce soit pour changer de poste un jour, ou monter votre entreprise ou saisir une opportunité. Donc posez-vous les questions, peut-être quelles sont les compétences dans ce domaine que j'ai toujours voulu acquérir, comment je peux m'y mettre maintenant. Et puis deux, suivre les tendances et les évolutions dans mon domaine. Quelles sont les évolutions que j'ai pu observer dans mon domaine ? Vers quoi il va ? Vers quoi il évolue ? Essayez de faire un bilan, essayez de vous projeter, surtout en lien avec les compétences qui sont à acquérir pour anticiper ces évolutions. Est-ce qu'il y a des choses ou des tendances qui menacent mon secteur, mon poste ? Est-ce qu'il y a des moyens pour m'y préparer ? Si vous envisagez de vous reconvertir, prenez du temps pour découvrir les métiers de demain. en lien avec vos envies, vos talents, vos compétences. Vous pouvez faire une enquête professionnelle auprès d'un professionnel dont le métier vous intéresse. Vous pouvez consulter les sites dont vous trouverez les adresses utiles sur notre site Facebook. Puis vous pouvez contacter un conseiller en évolution professionnelle pour en parler. Pour aller plus loin, vous pouvez retrouver toutes les informations dans un webinaire les lundis du CEP, très accessible sur YouTube, celui du 1er mars, réussir ma reconversion vers des métiers qui recrutent. Et enfin, le centre de gravité des compétences de demain se déplace du savoir vers le savoir-être. Ce qui change profondément la chose, c'est les soft skills, aussi appelées les compétences comportementales, compétences douces. Nous en parlerons dans une prochaine émission. C'était les pros du boulot, on vous retrouve tous les lundis à 12h30. Merci à tout le monde, c'était Zora et Thomas.